Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Troisième semaine. Règle de tempérance. Note. Saint Ignace paraît avoir placé ces règles à la fin de la troisième semaine à cause de la première contemplation, dont le sujet est la scène. Remarquez la règle 5, qui va suivre. Car elles n'ont pas de rapport plus direct avec cette semaine qu'avec les autres semaines des exercices, ou même qu'avec toute notre vie. On pourrait ajouter que, la seconde semaine se trouvant si féconde en remarques et en additions, il convenait de renvoyer les moins pressés à la troisième. Les règles présentes s'appliquent, il est vrai, directement à la nourriture, mais plusieurs d'entre elles renferment une doctrine dont on peut se servir très utilement pour régler toutes ses actions et toutes les passions de l'âme, l'orgueil, par exemple, et la colère, aussi efficacement que la gourmandise. Saint Ignace indique deux causes qui portent l'homme au dérèglement dans le manger, et il enseigne à les observer et à les combattre. Ces deux causes sont l'appétit naturel et la tentation du démon. Voyez règle 1, 3, 8. La méthode ici tracée peut donc et doit s'observer contre tout dérèglement quelconque, et plusieurs des remèdes prescrits, surtout depuis la cinquième règle jusqu'à la fin, peuvent également s'employer contre toute affection déréglée qui a pour cause l'appétit ou le mouvement de la partie basse de l'âme vers les objets sensibles, et la tentation. Fin de la note. Première règle. C'est moins dans l'usage du pain que dans celui des autres mets, que nous devons pratiquer la tempérance. À l'égard d'une nourriture aussi commune, il y a moins à craindre du côté de la tentation et du dérèglement de l'appétit. Deuxième règle. La tempérance doit se pratiquer dans le boire plutôt que dans l'usage du pain. Par conséquent, il faudra considérer avec attention ce qui est utile touchant la boisson, pour le prendre, et ce qui est nuisible pour le retrancher. Note. Pour le prendre. Comme règle ordinaire, mais non absolue, il est des exceptions conseillées par l'esprit de pénitence, il en est qui peuvent être dictées par l'esprit de charité. Fin de la note. Troisième règle, à l'égard des autres aliments, on doit garder la tempérance la plus exacte et la plus absolue, parce que l'appétit est plus prompt à se dérégler en ce point, comme la tentation. De son côté, nous porte davantage à rechercher ce qui peut flatter l'appétit. Or il y a deux manières de pratiquer la tempérance, et d'éviter le dérèglement dans la nourriture. La première consiste à se contenter habituellement de mets communs et grossiers, la seconde, à les prendre en petite quantité, s'ils sont délicats. Quatrième règle. Pourvu que l'on ne s'expose pas au danger de tomber dans quelque infirmité, plus on retranchera de ce qu'on pourrait convenablement prendre, plus on parviendra promptement à connaître le juste milieu que l'on doit garder dans la nourriture et la boisson, pour deux raisons. La première, parce que cette générosité de notre part nous dispose à recevoir souvent plus de lumières intérieures, de consolations célestes, d'inspiration divine, qui nous montre clairement ce qui nous convient, la seconde, parce que, supposez que cette abstinence volontaire ne nous laisse pas assez de force de corps et d'esprit pour vaquer aux exercices spirituels, nous pourrons facilement juger la juste mesure d'aliments que notre tempérament exige. Note. Le milieu. Entre l'excès et le défaut. C'est en toute matière le point le plus difficile à rencontrer, et dans les choses morales, c'est en ce point que se trouve la vertu. Cette générosité, etc. Textuellement, en cédant, et en se disposant ainsi. L'auteur des exercices veut toujours que l'homme cède. Fin de la note. Cinquième règle. Pendant que nous prenons notre nourriture, considérons, comme si nous le voyons de nos yeux, notre Seigneur Jésus-Christ prenant lui-même sa nourriture avec ses apôtres. Voyons comment il mange, comment il boit, comment il regarde, comment il parle, et efforçons-nous de l'imiter. Que cette considération soit la principale occupation de notre entendement, de sorte que l'attention à la réfection corporelle ne soit que secondaire. Ainsi nous sera-t-il facile de mettre plus d'ordre et de modération dans la manière de nous conduire et de nous gouverner pendant nos repas. Note. Plus d'ordre et de modération. Textuellement, un plus grand concert et ordre. Remarquez aussi, dans la manière de nous conduire et de nous gouverner. La proposition prend ici plus d'étendue, elle ne se borne plus à la seule manière de régler matériellement le repas. C'est qu'en effet cette cinquième règle ne nous avertit pas seulement de considérer comment Jésus-Christ mange, comment il boit, mais comment il regarde, comment il parle, parce que la langue et les autres sens n'ont pas moins besoin que le goût d'être gardé et préservé de tout dérèglement, tandis que nous sommes à table. Fin de la note. Sixième règle. D'autres fois, on pourra faire quelques réflexions sur la vie des saints, s'occuper d'une pieuse pensée, ou d'une affaire spirituelle que l'on a en vue. L'esprit attaché à ces différents objets s'arrêtera moins au plaisir sensuel que peut causer la nourriture par le sens du goût. Septième règle. Mais il faut par-dessus tout se garder que l'esprit ne soit tout entier à l'action matérielle du repas, modérer la précipitation à laquelle nous porterait l'appétit, être maître de soi-même, relativement à la quantité de la nourriture et à la manière de la prendre. Note. Par-dessus tout. Locution emphatique, mais employée à propos. Ce qu'il faut se proposer par-dessus tout, c'est que l'âme ne se répande pas, qu'elle ne soit jamais hors d'elle-même, que toujours elle reste maîtresse de soi. Cette remarque est capitale par rapport à toutes nos affections, et c'est là le point où tout homme vertueux doit s'efforcer de parvenir par une vigilance assidue et par de glorieuses victoires. Fin de la note. Huitième règle. Afin de prévenir tout dérèglement, il est très utile, après le dîner ou après le souper, ou dans tout autre moment dans lequel l'appétit ne se fait pas sentir, de déterminer la quantité que l'on doit prendre au dîner ou au souper suivant. Que cette pratique s'observe tous les jours, et, quelles que soient les attaques de la sensualité et de la tentation, que l'on se garde de passer la quantité prescrite. Je dis plus, si l'on veut vaincre entièrement tout appétit déréglé et toute tentation, et n'avoir rien à craindre des efforts de l'ennemi, que l'on prenne moins, lorsqu'on est tenté de prendre davantage. Note. Le conseil suivant est d'une admirable sagesse, et, pour régler une affection désordonnée quelconque, d'une rare efficacité. Premièrement prévoir, dans le temps de calme, l'occasion, la cause d'où peut naître plus facilement le dérèglement. Deuxièmement déterminer d'avance ce que l'on doit faire au moment de la tentation, afin de n'y pas succomber, c'est-à-dire se proposer d'employer tel et tel moyen qui lui est contraire. Troisièmement, si au moment même de la tentation on se sent plus vivement attaqué, agir contre elle plus fortement qu'on ne se l'était d'abord proposé. Se conduire de la sorte, ce n'est pas seulement résister à l'ennemi, c'est, pour me servir de l'expression énergique de Saint Ignace, le terrasser. C'est, dit-il encore dans la contemplation du règne de Jésus-Christ, agir contre la sensualité, ce qui est plus que lui résister. Fin de la note. Markendanarchive.org,